pourquoi de Gaulle a refusé que le Gabon devienne un département d'outre-mer? La politique coloniale mise en œuvre par la Troisième République était minée dès le départ par une contradiction insoluble. D'un côté, le régime républicain défendait les droits de l'homme, la liberté, l'égalité et la fraternité, mais dans le même temps, ces valeurs étaient constamment bafouées dans les colonies. Cette contradiction atteignit son paroxysme dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, lorsque les peuples colonisés se soulevèrent pour obtenir la liberté et l'égalité des droits. La Quatrième République tenta de répondre à ces aspirations en fondant l'Union française, une organisation politique qui mit fin au code de l'indigénat mis en place au début de la Troisième République. En théorie, l'ensemble des ressortissants de l'Union française possédait donc désormais le statut de citoyen. Bien que cette union politique ait été présentée comme une association entre des peuples égaux, elle pérennisait la domination de l'État français. Les peuples colonisés constatèrent rapidement l'immense écart qui existait entre les beaux discours sur l'union des peuples et une réalité qui les maintenait dans un état d'infériorité. Les désillusions contribuèrent à l'exacerbation du mécontentement qui déboucha sur les guerres d'Indochine puis d'Algérie. En 1958, le retour au pouvoir du général de Gaulle et l'avènement de la Ve République entraînèrent le remplacement de l'Union française par la Communauté française. Cette nouvelle organisation proposait aux anciennes colonies de devenir des départements d'outre-mer et de les intégrer à ce titre au sein de la République française ou des États associés, membres de la Communauté. Il était prévu que ces nouveaux États jouiraient de l'autonomie, qu'ils s'administreraient eux-mêmes et géreraient librement leurs propres affaires. Néanmoins, il était également stipulé que la politique étrangère, l'économie, la justice et l'enseignement feraient partie d'un domaine commun, ce qui signifiait en clair que ces États resteraient sous la coupe de la France métropolitaine. La plupart d'entre eux refusèrent ce nouveau système et optèrent pour l'indépendance au cours de l'année 1960. Néanmoins, le cas du Gabon montre que les autorités françaises ne voyaient plus d'un mauvais œil que leurs anciennes colonies volent de leurs propres ailes. Alain Parfit raconte dans sa biographie du général de Gaulle que celui-ci lui aurait dit « Nous ne pouvons pas tenir à bout de bras cette population prolifique comme des lapins. Nos comptoirs, nos escales, nos petits territoires d'outre-mer, ça va, ce sont des poussières, le reste est trop lourd. » Et lorsque Léon Mba sollicita le statut de département d'outre-mer pour le Gabon, de Gaulle justifia son refus en ces termes. « En pleine Afrique équatoriale, ils nous seraient restés attachés comme des pierres au cou d'un nageur. Nous avons eu toutes les peines du monde à les dissuader de choisir ce statut. » Ayant renoncé à sa demande de rattachement à la France, le Gabon opta pour l'indépendance le 17 août 1960. Le 12 février 1961, encouragé par Charles de Gaulle, Léon Mba fut élu président de la République gabonaise.